Personne ne sut dans le pays que l'Henri était venu. À 2 jours de là, la petite Fadette s'habilla très proprement. Elle traversa le bourg de la Causse, et comme elle avait beaucoup grandi, ceux qui la virent passer ne la reconnurent pas tout d'abord. Elle était non pas la plus jolie fille du monde, comme l'Henri se l'imaginait, mais la plus avenante, la mieux faite, la plus fraîche, et peut-être la plus désirable qu'il eût dans le pays. Elle portait un grand panier, passé à son bras, et entra à la Bessonnière, où elle demanda à parler au père Barbeau. Ce fut Sylvinet qui la vit le premier, et il se détourna d'elle. Demandant au père Barbeau de trouver le meilleur placement, pour lesquels 40 000 francs laissés par sa grand-mère, celui-ci, admiratif en plus de la belle jeune fille que la Fadette est devenue, lui promet de satisfaire à sa demande. C'était tout ce que voulait la petite Fadette, parce qu'il ne pourrait plus l'accuser de vouloir exploiter l'Andry.